En Corée du Sud, les formations de toutes les couches livrent plus activement la lutte pour la chute de Bakounine. Et à ce propos, le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a donné sa réponse le 3 courant au correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit notamment « À l'approche du temps de décision de la destitution de Bakounine par le tribunal constitutionnel, la résistance de tout le peuple gagne en ampleur toute la Corée du Sud pour revendiquer le retrait de Bakounine. La colère et la résistance manifestées par la lutte à la bougie couvrant toute la Corée du Sud sont l'explosion de la rancune et de la haine accumulée des Sud-Coréens contre le pouvoir conservateur, et elle montre combien est ardent le désir d'une politique et d'une vie nouvelle. La pire perverse Bakounine célèbre par l'incapacité, l'arbitraire, l'arrogance et l'entêtement a perpétré pendant son mandat présidentiel la traîtrise et le servilisme à l'égard des grandes puissances, la confrontation fratricide, la dictature fasciste et la corruption, tout en précipitant la Corée du Sud dans une crise catastrophique. Nonobstant, Bakounine et sa bande au seuil de la ruine, loin de présenter les excuses et repentir pour leurs crimes honteux intolérables, s'opposent à l'opinion publique et se démènent désespérément afin de survivre et de prolonger leur pouvoir traître. Le mois de mars, temps de la décision de la destitution de Bakounine, constitue un moment important et décisif pour la fin victorieuse ou non de la lutte de masse juste menée jusqu'ici par les Sud-Coréens. Les Sud-Coréens de tous les paliers sont appelés à engager la lutte plus courageuse et inlassable pour condamner sévèrement la bande traîtresse de Bakounine au nom du peuple.